Mais que ne faut-il vraiment pas? Mais que ne faut-il pas? Un oiseau mange un rat. Mais que ne faut-il vraiment pas? Tourner autour de moi. Mais que ne faut-il pas? Un oiseau mange un rat. Mais que ne faut-il pas? Un oiseau mangera, mais que ne faut-il vraiment pas tourner autour de moi?